Pyongyang a abrité un cours pour entraîneurs de haut rang de la FIFA. Au cours divisé en théorie et pratique, ont pris part des entraîneurs de divers clubs sportifs coréens. Ils y ont appris la direction d'entraînement des joueurs, des méthodes d'entraînement physique, ainsi que des rôles des entraîneurs en match de football. Le cours est exécuté par le conférencier de la FIFA, Constantin Stephen Philippe. Par ailleurs, il y a eu aussi un cours pour entraîneurs au niveau junior de la FIFA.